En agglomération, je dois toujours stationner dans le sens de la marche. Je circule dans une rue à sens unique. En l'absence d'une signalisation particulière, je peux donc stationner indifféremment des deux côtés. Le marquage au sol matérialise d'ailleurs les emplacements de stationnement à cet endroit. Réponse A et C.